بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ها نحن في الدرس الثاني عشر من هذه السلسلة في كتاب الصيام من عمدة الأحكام Nous sommes donc au cours numéro 12 dans cette série. Le livre, le chapitre du jeûne tiré du livre Umdat al-Ahkam. Toujours donc dans le sous-chapitre lié au jeûne durant le voyage. Wa wasalna ila al-hadith ar-rabi' an Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم قال ليس من البر الصوم في السفر وفي لفظ مسلم وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. Et donc nous sommes arrivés au quatrième hadith, selon Jabir ibn Abdillah radiallahu anhuma, qui dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était en voyage et a vu un rassemblement, et a vu des gens se rassembler, un homme à qui on fit de l'ombre. » Alors il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, « Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est ?» Il dit « Un jeûneur. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire le jeûne durant le voyage ne fait pas partie de la piété. Le jeûne durant le voyage ne fait pas partie de la piété. Et dans une narration, dans le recueil de l'imam Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous devez prendre les permissions d'Allah qu'il vous a accordées. Vous devez prendre et utiliser les permissions d'Allah qu'il vous a accordé. تكلمنا عن هذا الحديث سابقا وقلنا إنه من أدلة الحنابلة الذين قالوا بأفضلية الفطر في السفر. Nous avons déjà parlé de ce hadith précédemment et on a dit qu'il fait partie des preuves de l'école hanbalite qui voit que il est préférable de rompre le jeûne et de ne pas jeûner pendant le voyage. ولكن هناك طائفة أخرى استدلت بهذا الحديث وهم الظاهرية. Il y a aussi une autre école juridique, un autre groupe de gens de science qui se sont basés sur ce hadith pour un autre avis et c'est الظاهرية. L'école zahirite. قالوا إن الفطر واجب في السفر ومن صام فصيامه باطل يجب عليه إعادته. Et donc ils ont dit que le fait de rompre le jeûne durant le voyage est obligatoire et que celui qui jeûne pendant le voyage alors son jeûne est caduc et qu'il lui est obligatoire de recommencer ce jour de jeûne. ولا شك أن هذا الحديث لا يدل على هذا الحكم. فقد بينا في الدروس السابقة أن هذا الحديث له قصة. Et il n'y a nul doute sur le fait que ce hadith, ce récit prophétique n'implique pas ce jugement. Et ça nous avons montré durant les cours précédents que ce hadith a une histoire spécifique. فمن وجد مشقة في الصيام في السفر فالصيام يكره في حقه وقد يحرم عليه حسب درجات المشقة. Et donc celui qui ressent de la difficulté pour l'accomplissement du jeûne durant le voyage, alors le jeûne est détestable le concernant. Et il se peut qu'il soit interdit en fonction du degré de la difficulté. En fonction du degré de la difficulté et du danger lié à l'individu. أما من كان قادرا على الصيام فهل يقال إن صيامه باطل مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر؟ Tandis que la personne qui a la capacité et la force de jeûner pendant le voyage, allons-nous dire que son jeûne est caduc alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné durant le voyage? La yakulu hadha illa dhahiriyya. Il n'y a donc que les savants de l'école dhahirite qui disent cela. Wa qad dhakartu lakum anna al-a'immat al-arba'a متفقون على جواز الفطر والصيام في السفر وإنما اختلفوا في الأفضلية. Et certes, je vous ai déjà cité précédemment que les savants des quatre écoles, les écoles hanbalites, shafi'ites, malikites et l'école hanafite, sont tous d'accord sur le fait qu'il est permis durant le voyage de jeûner comme il est permis de ne pas jeûner. Mais ils ont divergé sur Al-Afdaliya. Ils ont divergé sur ce qui est préférable. وَكَذَلِكَ مِنْ أَدِلَّةِ الظَّاهِرِيَّةِ قَوْلُهُ تَعَالَى فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Et aussi parmi les preuves de l'école Zahirite, donc qui disent qu'il est obligatoire de rompre le jeûne durant le voyage. Parmi leurs preuves, il y a la parole d'Allah Ta'ala. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Celui d'entre vous qui est malade ou en voyage, alors qu'il rattrape ses jours durant d'autres jours. Alors qu'il rattrape ses jours durant d'autres jours. قالوا إن الله تعالى ذكر فيما يتعلق بالمريض والمسافر القضاء فقط ولم يذكر أنه يصوم. Ils ont dit que Allah le Très Haut dans ce verset, il n'a cité concernant le malade et concernant celui qui est en voyage, il n'a cité que le fait de rattraper. Il n'a cité que le fait de rattraper, mais il n'a pas cité le fait de jeûner. Il n'a pas cité le fait de jeûner le jour même durant Ramadan, mais il a cité le fait de rattraper. Et donc, durant ce jour-là, pendant Ramadan, si tu es malade ou en voyage, tu dois absolument rattraper. C'est-à-dire que tu ne vas pas jeûner ce jour. Et même si tu jeûnes, eh ben, tu vas le rattraper encore. وهذا خطا. Et ceci, bien entendu, ceci est une erreur. فإن أئمة التفسير قالوا إن معنى الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. Car les imams du tafsir, de l'exégèse du Coran, ils ont dit que ce qui est voulu par ce verset, c'est celui d'entre vous qui est malade ou alors en voyage, et qui a rompu, celui d'entre vous qui est malade ou en voyage, et qui a rompu son jeûne, alors qu'il rattrape des jours manquants. Et donc, alors qu'il rattrape des jours manquants, ça concerne celui qui a rompu. Ça ne concerne pas celui qui a jeûné. Celui qui a jeûné n'a pas besoin de rattraper quoi que ce soit. فالذي يقضي هو الذي أفطر وأما من لم يفطر فصيامه صحيح وقد رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في السفر وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وكذلك الصحابة صاموا في السفر ولم يعد أحد على الآخر. Et donc celui, comme on l'a dit précédemment, celui qui va rattraper ses jours, c'est celui qui a rompu pendant le voyage. Mais celui qui n'a pas rompu, alors son jeûne est correct. Celui qui a continué à jeûner pendant le voyage, son jeûne est correct. Et certes, on a vu précédemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné pendant le voyage. Et aussi, on a vu que ses compagnons, radiallahu anhum, ils ont jeûné pendant le voyage et qu'aucun d'entre eux n'a blâmé l'autre. C'est-à-dire, certains ont jeûné, d'autres n'ont pas jeûné et aucun n'a blâmé l'autre. فقال الظاهرية في هذه المسألة مردود. Et donc l'avis des savants de l'école zahirite dans ce sujet est rejeté. الحديث الخامس, le cinquième hadith. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر. قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده. قال فسقط السوام وقام المفترون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفترون اليوم بالأجر. Et donc le cinquième hadith, selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui dit: nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en voyage. Il y avait parmi nous des jeûneurs et parmi nous d'autres qui ne jeûnaient pas. Nous nous sommes donc arrêtés à un endroit durant un jour où il faisait très chaud, il y avait une forte chaleur. Celui d'entre nous qui était le plus à l'ombre était celui qui avait un kissé. Le kissé, on a expliqué déjà ce hadith. Le kissé, c'est un vêtement que la personne va utiliser pour se recouvrir et que la personne va donc se protéger de la chaleur. Et il y avait parmi nous certains qui se protégeaient du soleil avec leurs mains. Donc les jeûneurs sont tombés. On avait déjà dit ce qui est voulu par là, c'est-à-dire que les jeûneurs n'avaient pas la force de faire quoi que ce soit quand ils sont arrivés, donc à cet endroit où ils se sont donc arrêtés. Et El Muftiroun, donc ceux qui ne jeûnaient pas, donc se sont levés et ont commencé à préparer les lieux. Ils ont commencé à préparer les lieux, donc on avait expliqué les tentes. Ils ont abreuvé les bêtes, donc les chameaux et autres. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: aujourd'hui, les non-jeûneurs sont partis avec la récompense. Taïb. Et donc, on avait déjà vu ce hadith. Et on avait déjà cité qui, parmi les ulémas, l'utilise comme preuve. Et c'est là qu'il y a l'inconvénient de donner le cours à la radio seulement et pas à la mosquée. Certains vont peut-être... être content de ne pas se faire interroger. Mais, Inch'Allah, khair, bi'idhnillah, on espère qu'on sera tous présents à la fin de cette épreuve et qu'on va pouvoir continuer les questions pendant le cours pour voir donc, si vous suivez tous, Inch'Allah ta'ala. Et donc, concernant ce sujet, ceux qui ont utilisé ce hadith comme preuve, c'est toujours donc ceux qui voient que le fait de rompre le jeûne est mieux que le fait de jeûner, c'est-à-dire l'école Hanbalite. L'école Hanbalite, ils ont utilisé ce hadith. Et aujourd'hui, on voit aussi que Al-Zahiriya, l'école Zahirite aussi, ont utilisé ce hadith pour preuve, sauf que l'école Zahirite, ils voient qu'il est obligatoire de rompre. Ils ne voient pas que cela est recommandé. فَمَعَنَا الْأَنْ أَرْبَعَةُ أَقْوَلْ فِي الْمَسْأَلَةِ. Et donc, on a maintenant quatre avis dans le sujet. Quatre avis. On a vu le premier avis, le fait que la rupture du jeûne ou le fait de continuer le jeûne pendant le voyage sont semblables. Le deuxième avis, le fait qu'il est préférable de jeûner. Le troisième avis, le fait qu'il est préférable de rompre le jeûne. Le quatrième avis, le fait qu'il est obligatoire de rompre le jeûne. فبقي لنا القول الخامس. Il nous reste donc le cinquième avis à voir. C'est le cinquième et dernier avis. وهو قول ابن المنذر والطبري وابن خزيمة. Donc c'est l'avis de Ibn al-Munzir ainsi que l'imam al-Tabari ainsi qu'Ibn Khuzaymah al-Shawkani وهو أن الأفضل للمسافر هو الأيسر له. Et cet avis, c'est que ce qui est préférable pour le voyageur, c'est ce qui est plus facile pour lui. C'est ce qui lui est plus facile. فإن كان الصوم هو الأيسر في حقه كان الأفضل. Et donc, si c'est le fait de jeûner qui est plus facile le concernant, alors c'est celui-là qui est préférable. وَإِنْ كَانَ الْفِطْرُ هُوَ الْأَيْسَرُ فِي حَقِّهِ فَكَانَ الْأَفْضَلُ. Et donc, si c'est le fait de rompre le jeûne qui est le plus facile dans le concernant, alors c'est ce qui est préférable. وَقَدْ يَكُولُ قَائِلْ نَفْهَمُ أَنَّ الْفِطْرَ يَكُونُ أَيْسَرُ وَلَكِنْ كَيْفَ يَكُونُ الصَّوْمُ أَيْسَرُ. Il se peut que quelqu'un dise, je comprends parfaitement que le fait de rompre le jeûne durant le voyage, c'est plus facile. Mais comment se fait-il que le fait de continuer à jeûner durant le voyage, c'est plus facile ? Al-Jawab, la réponse à cela. An-nasa fi shahri Ramadan sa'imun. وهذا يشجع العبد ويسهل له القيام بهذه العبادة لأن الناس حوله يصومون مثله. La réponse, c'est que les gens durant ce mois, durant le mois de Ramadan, ils jeûnent. Et cela va pousser le serviteur et va lui faciliter l'accomplissement de cet acte d'adoration. Car les gens autour de lui, ils jeûnent comme lui. On jeûne tous. Et donc, ça facilite l'accomplissement de l'acte d'adoration. Amma in aftara ar-rajul fi Ramadan thumma lazimahu al-qada' fa qad yajidu al-qada' as'aba min al-ada' li'annahu yaqdi wan-nas yuftirun. Il se peut donc que la personne, elle ait rompu le jeûne pendant Ramadan, puis après il lui incombe de rattraper. Il lui incombe donc de rattraper son jeûne. Son jour de jeûne manqué. Et il se peut que cette personne trouve que cela est plus difficile. Le fait de rattraper est plus difficile. Pourquoi ? Parce qu'elle va rattraper son jeûne ce jour-là pendant que les autres personnes se nourrissent. Les autres personnes sont en train de manger, boire, et lui, il rattrape. Il se peut qu'il trouve cela plus difficile. Ou alors parce que la personne a pris un congé. Il se peut que la personne ait pris un congé de travail pendant cette période-là et qu'après Ramadan, elle doit reprendre le travail. Et donc, c'est plus difficile pour elle de rattraper par la suite que durant cette période de congé, la période de Ramadan. Et donc, il se peut que pour des raisons ou d'autres, il soit plus facile pour certains de jeûner pendant le voyage que de rompre et ensuite de rattraper par la suite. فما هي الأدلة أو أدلة القائلين بهذا القول؟ Quelles sont les preuves de ceux qui vont adopter cet avis؟ استدلوا بقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Ils se sont basés sur la parole d'Allah le Très-Haut. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Allah, il veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. فما كان الأيسر للعبد كان الأفضل له. Et donc ce qui est le plus facile pour le serviteur, c'est ce qui est le mieux pour lui. C'est ce qui est le mieux pour lui. واستدلوا أيضا بما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. Et donc, ils se sont aussi basés, pour cet avis, ils se sont aussi basés sur Le hadith qu'a cité, qu'a recueilli donc l'imam Muslim dans son Sahih, selon Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, qui dit: nous étions en voyage pour une bataille. Nous partions en voyage pour des batailles avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pendant Ramadan. Il y avait parmi nous des jeûneurs et parmi nous des non-jeûneurs. Alors les jeûneurs ne blâmaient pas les non-jeûneurs. De la même façon que les non-jeûneurs ne blâmaient pas les jeûneurs. Et ils voyaient, ils, c'est-à-dire les compagnons, ils voyaient que celui qui trouve en lui de la force et qui jeûne, alors cela est bien. Et ils voyaient que celui qui trouve en lui une faiblesse, alors a rompu, alors cela est bien. Et cet avis, en réalité, c'est l'avis, c'est le meilleur avis dans ce sujet, Inch'Allah ta'ala. لِأَنَّهُ جَمَعَ بِيْنَ الْأَدِلَّةِ Car en réalité, cet avis, il rassemble toutes les preuves. فَالْأَدِلَّةُ الَّتِي فِيهَا السِّيَامُ فِي السَّفَرْ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَنْ وَجَدَ قُوَّةً Et donc, les preuves qui montrent le fait de jeûner pendant le voyage, en fait, elles sont liées à celui qui trouve de la force. Il a la force, la facilité à jeûner. وَالْأَدِلَّةُ الَّتِي فِيهَا الْفِتْرُ فِي السَّفَرْ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَنْ وَجَدَ ضَعْفًا Et les preuves qui montrent le fait de rompre le jeûne pendant le voyage, eh bien, elles sont liées à celui qui trouve de la faiblesse ou une difficulté dans l'accomplissement de ce jeûne. فَالْكُلُّ يَنْظُرُ إِلَى مَا هُوَ أَيْسَرُ لَهُ Alors chacun regarde ce qui lui est le plus facile. ثُمَّ قَالُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي هَذَا أَوْ قَالُهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ هَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ وَالْمُنْتَشِرُ عِنْدَ الصَّحَابَةِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَهُوَ حَسَنٌ وَمَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَهُوَ حَسَنٌ Ensuite, cette parole qu'on a vue de Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, cette preuve qu'on vient de citer, cette parole-là est une preuve qui montre que c'est ce qui est connu et ce qui est répandu auprès des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui est connu d'eux? C'est que celui qui trouve de la force et de la facilité et qui a jeûné, alors cela c'est bien. Et celui qui trouve une faiblesse, une difficulté et qui va rompre pendant le voyage, alors cela c'est bien. Et donc c'est ça qui est connu chez eux. Et donc cela va encore appuyer cette argumentation. وَبِهَذَا انْتَهِيْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وغدا إن شاء الله تعالى ننطلق إلى المسائل الأخرى المذكورة في الباب. Et donc, comme cela, nous avons fini ce sujet. Et demain, إن شاء الله تعالى, nous allons aborder les autres sujets qui sont cités dans le chapitre. Et on va essayer, بإذن الله تعالى, dans ce sous-chapitre, excusez-moi. Et on va essayer, إن شاء الله تعالى, de finir le sous-chapitre cette semaine. Pour commencer un nouveau sous-chapitre dès la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, wafakallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, jazakumullahu khayra.